passe par Fontenoy, l'ajoute. Prenez le temps, vous arrêtez, vous ne pourrez pas le regretter. On vous fera faire le tour des pioles pour trouver de l'agneau, car l'alambic chez eux n'est pas planqué, on sait vous le trouver. Car l'alambic chez eux n'est pas planqué, on sait vous le trouver. Commencez par la rue Saint-Pierre, tout en haut chez Monsieur le Maire. Les petites bouteilles au gabit sauront vous mettre en appétit. On vous fera faire le tour des pioles pour trouver de l'agneau. Car l'alambic chez eux n'est pas planté, on sait vous le trouver. Car l'alambic chez eux n'est pas planté, on sait vous le trouver. Plus bas chez le Jaco André, pour boire il vous suffit d'entrer. Au 19 chez le père Lefette, le bar est toujours à la fête. On vous fera faire le tour des pioles pour trouver de l'agneau. Car l'alambic chez eux n'est pas planqué, on sait vous le trouver. Car l'alambic chez eux n'est pas planqué, on sait vous le trouver. Chez Jean-Marie Vanneau, même les poissons connaissent pas l'eau. Tandis que chez le Pierre Barbier, on ne finit pas d'arroser. On vous fera faire le tour des pioles pour trouver de l'agneau. Car l'alambic chez eux n'est pas planqué, on sait vous le trouver. C'est vous le trouver. Chez Aubry, ce n'est pas la peine de concourir avec l'Hélène, car elle vide en un tour de main deux fois plus de verre que les Villemains. On vous fera faire le tour des pioles pour trouver de l'agneau, car la langue chez eux n'est pas planquée. On sait vous le trouver, car l'alambic chez eux n'est pas planqué. On sait vous le trouver. À force de boire chez les Mathieu, ils sont presque toujours au pieu. Tandis que chez le Pierre Adam, c'est tout le contraire du Ramadan. On vous fera faire le tour des pioles. On se paie du bon temps chez Mougenot, la caille, bon temps. Boucher, Guillaume ou boulanger, et tous ceux qu'on a pu citer. On vous fera faire le tour des pioles pour trouver de l'agneau. À fond, la lambic n'est pas planqué, on sait vous le trouver. C'est sûr, on connaît l'hospitalité. Gagnant de la cerise sur le canto numéro 17, eh bien, une chanson qui aurait dû s'appeler Le Petit Nicolas, et qui ne s'appelle pas Le Petit Nicolas, puisque ça s'appelle Allez leur dire. En effet, les ayants droit du Petit Nicolas, le dessinateur Sampé et Goscinny, n'ont pas souhaité. D'autant plus qu'ils célébraient cette année le 60e anniversaire du Petit Nicolas. Donc la chanson va s'appeler « Allez leur dire », interprétée par le rappeur Sylvain Areg. Ah, moi j'aurais bien aimé qu'elle nous représente au concours Eurovision de la chanson française cette année. Allez, leur dire, Sylvain Areg. Allez leur dire,

chance, tu es ma flamme, la force qui me guide. Reviens-moi vite, reviens mon âme, sans toi la maison semble vide. Rescapé et eux, de la saison 2 de l'émission La Nouvelle Star, diffusée sur M6, elle se classera 3e. Et après de nombreux succès, on la retrouvera coach de la 5e saison de The Voice Kids en 2017. En août 2018, elle dévoile un nouvel extrait de son prochain album en duo avec le rappeur Alonso, Dis-moi qui tu es. Amel Bent, Alonso. Je les entends nos souvenirs s'étendre dans un tendre écho, pour le meilleur et pour le pire, mais c'est le pire qui l'emporte. J'ai cherché en vain l'équilibre, toi tu faisais valser l'accord. Tes mots sont comme des mélodies, mais tout ça me fait. Une chanson écrite par Jacques Plante, composée et interprétée par Hugo Frey en 1964. Et avec ce titre, Hugo Frey représenta le Luxembourg au concours Eurovision de la chanson. Il se classa même quatrième. Alors la chanson est une ballade avec deux L, nostalgique, où la venue du printemps, propice au début des amours, ravive les souvenirs à la fois doux et douloureux d'un amour vécu puis perdu. Dès que le printemps revient, Hugo Frey. Michel Simon. Michel Simon fut un acteur suisse, vedette de grands films comme Boudu, Sauvé des eaux, La Talente, Le vieil homme et l'enfant, Le train, La chienne, Drôle de dame, Fric-frac, Fric-frac, Fric-frac, un Fric-frac, ça se prépare un Fric-frac. On ne parlera pas de ses mœurs pour le moins disjonctées, ni pour les relations particulières qu'il entretenait avec Zaza Saguenon, qu'il promenait habillé comme une princesse. Non, non, aujourd'hui, c'est Michel Simon, chanteur, Printemps sans amour, Michel Simon. Non, non, ça m'est aimé l'hiver, on n'avait rien à se mettre. Moi je voyais tout en vert, j'ouvrais grandes les fenêtres. Le printemps sans amour, c'est pas le printemps. Il passe pas plus lourd que le mauvais temps. Nous avons coupé le fil, notre bouquet est en miettes. Voici venir le mois d'avril, c'est la saison des fleurettes. Le printemps sans amour, c'est pas le printemps. Il passe pas plus lourd que le mauvais temps. Le mois de mai sans s'aimer, c'est pas le mois de mai. Il ne faut pas trop se fier au calendrier. Ce beau juillet, je suis seul et je frissonne. Dans la paille ensoleillée, il ne viendra plus personne. Le printemps sans amour, c'est pas le printemps. Il passe pas plus lourd que le mauvais temps. Le mois de mai sans s'aimer, c'est pas le mois de mai. Il ne faut pas trop se fier au calendrier. La la la la. Bon entendeur, vous avez déjà entendu, oui bien sûr. C'est le nom d'un collectif musical fondé en 2012 par un certain Arnaud Bonnet. Des playlists sur SoundCloud et des mixages thématiques sont devenus depuis la signature du groupe. En 2017, Bon entendeur produit ses propres remixes de chansons issues du patrimoine francophone. Et leur premier remix concerne une chanson de 1972 de la chanteuse québécoise Isabelle Pierre, « Le temps est bon ». Bon entendeur et Isabelle Pierre. Thank you. Et maintenant, une chanson italienne parue en single en 1968, composée par Paolo Conte, entrée immédiatement dans l'imaginaire collectif des Italiens. Une des chansons les plus chantées à l'étranger, première place en Italie évidemment, en 1968, ainsi qu'en Autriche, première place aussi, classée sixième en Allemagne et reprise en 1969 dans une version française par Régine Azzurro. Régine. Nous sommes un couple bizarre. Moi je travaille, toi tu ne fais rien. Yves Duteil, le chanteur, on connaît. Yves Duteil, l'ancien maire de Précy-sur-Marne, on connaît aussi. Mais Yves Duteil est également président de Après. Après, c'est une association qui apporte une assistance aux populations et une aide à la réhabilitation des espaces sinistrés association fondée avec son épouse Noël Dutheil. L'association a construit une école en résidence en Inde, au sud de Pondichéry. Et cette école offre un nouvel avenir aux enfants les plus défavorisés des castes intouchables et leur permet d'accéder à l'enseignement. Et ça, c'est quelque chose. Pour les enfants du monde entier, Yves Dutheil. Pour les enfants du monde entier qui n'ont plus rien à espérer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre. À chaque enfant qui disparaît, c'est l'univers qui tire un trait sur un espoir pour l'avenir de pouvoir nous appartenir. J'ai vu des enfants s'en aller, sourire aux lèvres et cœur léger, vers la mort et le paradis que des adultes avaient promis. Mais quand ils sautaient sur les mines, c'était Mozart qu'on assassine. Si le bonheur est à ce prix, de quel enfer s'est-il nourri? Et combien faudra-t-il payer de silence et d'obscurité pour effacer dans les mémoires le souvenir de leur histoire? Quel testament, quel évangile, quelle main aveugle ou imbécile peut condamner tant d'innocence à tant de larmes et de souffrances? La peur, la haine et la violence ont mis le feu à leur enfance. Leurs chemins se sont hérissés de misère et de barbelés. Peut-on convaincre un dictateur d'écouter battre un peu son cœur? Peut-on souhaiter d'un président qu'il pleure aussi de temps en temps? Pour les enfants du monde entier qui n'ont de voix que pour pleurer, je voudrais faire une prière à tous les maîtres de la terre. Dans vos sommeils de somnifères où vous dormez les yeux ouverts, laissez souffler pour un instant la magie de vos cœurs d'enfants. Puisque l'on sait de par le monde faire la peine pour quelques secondes, au nom du Père et pour Noël, que la trêve soit éternelle, qu'elle taise à jamais les rancœurs et qu'elle apaise au fond des cœurs la vengeance et la cruauté jusqu'au bout de l'éternité. Je n'ai pas l'ombre d'un pouvoir, mais j'ai le cœur rempli d'espoir et de chansons pour aujourd'hui qui sont des hymnes pour la vie et des ghettos, des bidonvilles, du cœur du siècle de l'exil. Des voix s'élèvent un peu partout qui font chanter les gens debout. Vous pouvez fermer vos frontières, bloquer vos ports et vos rivières, mais les chansons voyagent à pied en secret dans des cœurs fermés. Ce sont les mères qui les apprennent à leurs enfants qui les reprennent. Elles finiront par éclater sous le ciel de la liberté pour les enfants du monde entier. Pour les enfants du monde entier. D'origine sénégalo-mauritanienne, Ezat est né en 1988 à Mantes-la-Jolie, dans une famille de 10 enfants et dans laquelle s'exprimer n'est pas une chose toujours facile. La danse, dont le hip-hop, la guitare, le piano et la batterie sont devenus familiers pour elle. Et grâce à sa voix soul, chaude et forte de caractère, Ezat nous transporte dans un univers où les textes forts portant sur le rêve, ses origines, les traditions africaines et l'amour lui permettent de vider son sac. Finaliste de l'émission Destination Eurovision, elle n'échoua qu'en finale, comme une grande Ezat. De problèmes, sauf qu'en plus faut que je tape maintenant si t'as envie et que j'ai la flemme, et bah je fais semblant, j'ai même pas le droit de choper la crève, qui suis-je évidemment, et tu me carottes la dit ton dondon, moi je pense qu'à toi c'est la faute à du bidon, toi qui penses qu'à ton gros bidon dondon, ne vois-tu pas que j'ai la tête dans le guidon, tu m'as découverte de cœur abîmé, moi pour que tu restes j'ai retourné ma veste, j'en ai vu des vertes. que ça papote. Et dès que je suis calme et toi, tu me flattes. Et même sans capote, avant de me tèche avec un doigt. Ce n'est que lorsque je suis la plus belle que t'entends ce que je raconte. Tu muses une fou à la poubelle et enclenche le fameux décompte. Et tu me carottes la dis donc donc. Pas chance qu'à toi, c'est la faute à Cupidon. Toi qui penses qu'à ton gros bidon donc donc. Ne vois-tu pas que j'ai la tête dans le guidon? Tu m'as découverte. Je m'en sortirai comme une grande. Je vais gagner comme une grande. Parce que je suis née comme une grande. Au père où tu m'as fait descendre. Je m'en sortirai comme une grande. Tu m'as découverte, le cœur abîmé. Moi pour que tu restes, j'ai retourné ma veste. J'en ai vu des pertes et des périmètres. Tu m'as fait descendre. Je m'en sortirai comme une grande. Et voilà maintenant une chanson dont les paroles sont de Jean Anouilh et la musique de Georges Vamparis, extrait du film de 1951 « Dessous de Violette ». Oh, il y en a qui se paient des azalées, des lys, des orchidées, des fleurs toutes tarabiscotées qui ne sentent rien du tout. Moi, les fleurs que j'ai toujours aimées sont celles qu'on achète dessous. « Dessous de Violette » Arletty. Pour deux ronds, ça sent bon. Ça vous monte pas la tête, c'est bien honnête. L'amour, c'est bête, comme ces petits bouquets ronds. C'est jamais qu'une amourette dessous de violette. Il y en a qui se paient des azalées, des lys, des orchidées, des fleurs toutes arabiscotées, qui ne sentent rien du tout. Moi, les fleurs que j'ai toujours aimées sont celles qu'on achète dessous. Dessous de violette, pour deux ronds, ça sent bon. Ça vous monte pas la tête, c'est bien honnête. L'amour, c'est bête, comme ces petits bouquets ronds. C'est jamais qu'une amourette dessous de violette. Ces petits bouquets ronds, c'est jamais qu'une amourette dessous de violette. Maxime le forestier connaît un peu la Lorraine. En effet, en 1969, il effectuait son service militaire dans les troupes aéroportées au 13e régiment de dragons parachutistes de Dieuze, en Moselle. Et son esprit indiscipliné et son caractère rebelle l'empêchaient de s'adapter à l'esprit de corps de son régiment. En fait, il en a tant fait qu'il a été interné à l'infirmerie avant que le régiment ne se débarrasse de lui en l'envoyant achever son service militaire dans un bureau à Paris. Une chanson de 1972, « Ce soir à la brume, nous irons, ma brune, cueillir des serments ». Éducation sentimentale, Maxime le forestier. Ce soir à la brune, nous irons, ma brune, cueillir des serments. Cette fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants. Pour toi, ma princesse, j'en ferai des tresses et dans tes cheveux. Ces serments, ma belle, te rendront cruelle pour tes amoureux. Demain à l'aurore, nous irons encore glaner dans les champs, cueillir des promesses, des fleurs de tendresse et de sentiments. Et sur la colline, dans les sauvagines, tu te coucheras. Dans mes bras, ma brune, éclairée de lune, tu te donneras. C'est au crépuscule, quand la libellule s'endort au marais, qu'il faudra, voisine, quitter la colline et vite rentrer. Ne dis rien, ma brune, pas même à la lune, et moi dans mon coin, j'irai solitaire, je saurai me taire, je ne dirai rien. Ce soir à la brune, nous irons, ma brune, cueillir des serments. Cette fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants. Pour toi, ma princesse, j'en ferai des tresses et dans tes cheveux. Ces serments, ma belle, te rendront cruelle pour tes amoureux. Simone est née en 1997 avec une malformation vocale. En effet, une de ses cordes vocales est coupée en deux, mais pas entièrement, d'où une toute petite voix qu'elle ne pousse pas d'ailleurs. En janvier 2019, elle participe à Destination Eurovision 2019, sa première scène, et elle s'illustre avec sa chanson « Tous les deux », une ballade dédiée à son père. Des commentaires élogieux, elle remporte la première place de sa demi-finale. Et lors de la finale, elle finit cependant à la deuxième place derrière Bilal Hassani, qui se voit propulsé à la première place grâce au vote des téléspectateurs, tous les deux Simone. Serre-moi contre toi. Que l'on se souvienne ces moments à nous, que ça nous revienne. Je vois tant d'amour au coin de tes yeux quand on est juste tous les deux. Pourquoi est-ce que tu ne me prendrais pas dans tes bras, qu'on valse ensemble juste une dernière fois. Tout est compliqué dès qu'il s'agit de moi. Tellement de choses que je ne dis pas. Chante, chante si

Et c'est ainsi que s'achève la cerise sur le canto numéro 18. Merci à Yves pour la réalisation technique et merci à vous de nous avoir écoutés. La prochaine cerise sur le canto, vous l'avez compris, c'est dans 15 jours. Mais nous serons quand même avec vous dimanche prochain pour vous présenter Patchwork à l'écoute des musiques du monde. Rendez-vous également sur notre page Facebook. Vous y trouverez la possibilité de jouer au tiercé des chansons. Et vous savez que, ordre ou désordre, si vous êtes le premier gagnant de la quinzaine, un cadeau vous attend. Et puis, pour réécouter cette émission, si d'aventure vous l'avez loupée, ou si vous voulez la bisser, pourquoi pas, rendez-vous sur le site de la radio, Radio Fagette, F-A-J-E-T, et vous allez dans la rubrique « Les émissions », vous cliquez sur « Les émissions », et vous arrivez, vous voyez qu'il y a un podcast, c'est le podcast de la dernière émission. Attention, 8 jours après, il n'y est plus, c'est un autre qui figure. Voilà, en tout cas, soyez heureux en écoutant Radio Fagette Nancy 94.2 ou sur le net fagette.net en ligne. Allez, au revoir.